نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله لقد أمر الله تعالى في كتابه بالإصلاح ونهى عن الفساد والإفساد قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقال سبحانه والله لا يحب المفسدين وسار على هذا الأنبياء فحاربوا الفساد وأهله فهذا موسى يقول لأخيه أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ويقول شعيب لقومه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين فمحاربة الفساد بجميع صوره والأمر بالإصلاح من جميع وجوهه من الواجبات العظام على الولاة والرعية كل بحسبه وفق القواعد الشرعية والنصوص المرعية فالإصلاح لا يكون إلا بتحكيم كتاب الله تعالى والرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم باللعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم عباد الله يغفل كثير ممن يدعو إلى محاربة الفساد إلى أن محاربة الفساد العقائدي يعني الفساد الذي يقع في الاعتقاد هو أهم الأمور يعني محاربة هذا النوع من الفساد من أهم الأمور وأولاها بالاعتناء تجد شعاره وكثيرا ما يردد قول شعيب إن أريد إلا الإصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولكنه لا يلقي بالا لفساد العقائد ولا يهتم بتصحيح توحيد الناس ومحاربة مظاهر الشرك والإلحاد وهمه الدنيا ومكاسبها وهذا لا شك تقصير ظاهر فالفساد العقائدي هو أصل كل فساد ومحاربته مقدمة على محاربة كل فساد مع وجوب وأهمية محاربة الفساد المالي والإداري بلا شك ومن تأمل سيرة الأنبياء وجد ذلك ظاهرا جليا فكان الأنبياء أول ما يدعون إليه يدعون إلى تصحيح العقائد تصحيح الفساد العقائدي فكلهم كان أول ما يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ورسولنا أول ما دعا قومه إلى إفراد الله بالعبادة: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ولما أرسل معاذا أو لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فالاهتمام بالتوحيد والدعوة إليه وتقديمه هو منهج الرسل الكرام وأتباعهم العظام ممن صار على دربهم واقتفى أثرهم. وتأمل معي قصة شعيب الذي قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إلى ماذا دعا أولا قبل فساد المال والمعاملات؟ وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم بعد ذلك قال: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فانظر كيف حارب الفساد العقائدي أولا، وأمر بعبادة الله تعالى وحده، ثم ثنى بمحاربة الفساد المالي. وهذا موسى سمى فرعون وقومه بالمفسدين لما تركوا عبادة الله وكفروا بآيات الله. يقول تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. عباد الله، إن مظاهر الفساد العقائدي وصوره كثيرة جدا، فالدعوة إلى عبادة القبور والأضرحة والمشاهد والأولياء، والدعوة إلى الإلحاد والشرك المعاصر، والدعوة إلى تأويل صفات الله وتعطيلها، والدعوة إلى الغلو في الصالحين، والدعوة إلى البدع والمحدثات والسحر وانتشاره والتمائم والكهانة. فالشرك بالله تعالى في جميع صوره أكبر وأصغر، سواء كان شركا في الربوبية أو شركا في الألوهية أو شركا في الأسماء والصفات، من أعظم الفساد في الأرض وهو أعظم الظلم. يقول تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لا يوجد ظلم أكبر من ظلم الشرك الذي يجب محاربته والوقوف ضده بالوسائل الشرعية ولاة ورعية. عباد الله، يفهم بعض من يدعو إلى الإصلاح أن سبيل الإصلاح الوحيد والأوحد هو في حرب الولاة وإسقاط هيبتهم والخروج عليهم وملء قلوب الرعية عليهم وبالمظاهرات والاعتصامات ونشر الشائعات. والحقيقة أن هذا من أعظم الفساد. وهؤلاء المفسدون حقا، هؤلاء هم المفسدون حقا، ولكن لا يشعرون وليسوا بمصلحين. فلا يكون الإصلاح أبدا بما يخالف الشرع، بما يخالف الشريعة الإسلامية، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سنفتر الله préservez-vous d'Allah, et sachez que Allah Azza wa Jal a interdit le désordre et la corruption. Et il a ordonné la réforme. Et le fait de réformer et de corriger les choses. Et souvent quand on parle de réforme, le mot qui est utilisé pour traduire « eslah » en arabe, eh bien ça ne donne pas toujours le vrai sens ou le sens qui est exprimé par le terme en arabe dans la religion musulmane. Parce que « al-eslah » ça signifie de réformer dans le sens de corriger, de réparer, de corriger ce qui a été erroné, ce qui a été déformé, ce qui a été corrompu, et de le corriger, et de le réparer. Et ça, ça implique une chose, ça implique de ramener l'état et la situation à sa forme originelle, et de ramener les choses à leur source et à leur origine. Et non pas comme certains essaient de le comprendre ou de l'interpréter parfois par la réforme, le fait de réinterpréter ou de déformer ou de changer les explications qui se trouvent dans le Coran et dans la Sunna pour faire en sorte que ces explications-là soient en accord avec les passions et les désirs des hommes d'aujourd'hui ou des femmes d'aujourd'hui. Or, la réforme en islam, ça ne signifie pas ça. La réforme, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a révélé une révélation. Il lui a révélé le Coran, qui est sa parole, la parole d'Allah. Et il lui a également révélé la sunna, qui est la compréhension et l'application pratique de cette révélation dans les actes, dans les paroles et dans les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que les sahaba ont compris et ont pratiqué de cette religion et de cette révélation-là, ça représente la base, ça représente la forme pure de l'application de cette religion, avec tous les principes, les règles et la compréhension qu'il y a avec ça. Et donc si on veut, avec le temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé qu'avec le temps qui passe, les gens petit à petit commencent à faire des innovations, à inventer des choses, à corrompre des principes et des règles de la religion, ou à s'éloigner de la pratique. Et donc la réforme consiste à faire en sorte que les musulmans reviennent à l'origine et à la compréhension des sahaba et de ceux qui étaient à l'origine de cette religion, c'est-à-dire qu'ils l'ont propagée en premier et qu'ils l'ont compris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam directement. Une autre chose aussi qui est importante à comprendre en ce qui concerne la réforme, parce que tout le monde parle de réforme aujourd'hui, réforme économique, réforme politique, réforme du système juridique, réforme du système d'éducation, réforme, on parle de réforme dans tous les domaines. Mais on oublie le plus important de tous les domaines et l'aspect le plus important parmi tous les aspects, qui est la réforme de la croyance, la réforme de la aqida des musulmans, la réforme de leur compréhension de l'islam et de leur façon de concevoir cette religion, dans le sens qu'on les ramène à la base, qu'on les ramène à la révélation, qu'on les ramène aux principes de cette religion. Pourquoi c'est important? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il le dit dans le hadith, « Tarakana ala al-bayda, tarakana ala al-mahajjati al-bayda, layluha kanahariha, la yazighu anha illa halik. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur une voie éclatante, une voie claire, une voie qui est blanche, illuminée. Sa nuit est aussi claire que son jour. Et celui qui s'en détourne ou qui dévie de cette voie, il périt. C'est-à-dire il va vers la perdition. Mais après les trois premières générations bénies de l'islam, beaucoup de groupes, de sectes et d'individus déviés sont apparus et qui ont essayé de faire détourner les musulmans et de les éloigner de la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé justement qu'il y allait y avoir des tentatives d'égarement, des tentatives de déformation, de corruption de cette religion. Et la corruption, elle commence tout le temps par la aqida, par la croyance. Si ta croyance, elle n'est pas correcte, elle n'est pas droite, elle n'est pas en accord avec la révélation, tout le reste va être corrompu. Pas seulement ta croyance, mais tout le reste, tout ce qui en découle, ta pratique, ta politique, ton économie, ta vie sociale, ton système éducatif, tout le reste va être corrompu. Et c'est pour cette raison qu'on constate aujourd'hui, dans le monde musulman, beaucoup de retard, beaucoup d'éloignement, beaucoup de problèmes. Et tout le monde dit, il faut faire la réforme, il faut réformer ci, il faut réformer ça. Mais personne n'a compris, ou bien, illa ma rahimallah, parce qu'il y a les ulama qui nous rappellent de ça, et il y a les gens de la sunna qui appellent constamment les musulmans à revenir au droit chemin. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans sont insouciants et ferment l'oreille à ces gens qui donnent la nasiha, qui donnent le bon conseil, et qui font comprendre à la ummah que si on veut vraiment la réforme sérieusement, il faut ramener les musulmans à la croyance d'origine, à la voie des salafs salih, la croyance des sahaba et de ceux qui les ont suivis. Parce que c'est ceux-là dont Allah a été satisfait. Allah Azza wa Jal dit « Radiallahu anhum » à propos de qui? À propos des sahaba. « وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ » Il dit « Radiallahu anhum » aussi. Il est satisfait des sahaba et des muhajirin et des ansar et de ceux qui les ont suivis dans leur façon de comprendre la religion. Aujourd'hui, la majorité des musulmans sur terre, ils n'ont pas compris la religion et ils ne retournent pas à leur compréhension pour essayer de la comprendre, cette religion-là. Plutôt, ils ont pris d'autres références. Et c'est pour ça que dans tous les autres domaines, on est éloigné du droit chemin. Alors que lorsqu'on regarde l'exemple que Allah nous a mentionné dans le Coran, l'exemple des prophètes, lorsqu'ils viennent à leur peuple, la première réforme, la première chose qu'ils font, c'est de corriger la aqidah des gens. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par quoi il a commencé? Lorsqu'il est arrivé à Mecca et à Quraysh, il leur a dit quoi en premier? Il faut réformer l'économie? Il faut réformer le système juridique? Il faut réformer la société? Non! Il a commencé par la réforme de la aqida, de déclarer la guerre à l'idolâtrie et au shirk, et à toutes les formes et les manifestations de shirk et d'idolâtrie qui sont présentes dans la société, et toutes les formes de croyances qui sont contraires à la révélation. C'est par ça qu'il a commencé. Et tous les autres prophètes qui sont venus auparavant, c'est la même chose, en commençant par Nuh, alayhi salam, et Moussa, alayhi salam, Ibrahim, alayhi salam, Isa, tous les prophètes que Allah a envoyés, ils ont tous commencé de cette façon. Aujourd'hui, on veut réformer, mais on ne veut pas commencer par la vraie réforme. La réforme qui est la plus importante, qui est la réforme de l'aqida. Et parfois aussi, un autre problème, et on va terminer avec ça, c'est que tout le monde veut commencer la réforme par la réforme du pays ou de l'État. Et ils disent, les dirigeants, ils ne sont pas bons, les dirigeants, ils ne sont pas corrects. Peu importe qui tu mets au pouvoir, même si c'était le plus pieux de tous les musulmans qui existent aujourd'hui, il y en a des individus et des gens et des groupes qui ne vont pas être satisfaits de lui. Et même si tu le remplaces 10 fois par année, même si tu les remplaces à chaque année 10 dirigeants différents, à chacun d'entre eux, il y a quelqu'un qui va trouver des problèmes ou qui va être insatisfait de quelque chose qu'il dit ou qu'il fait. Parce qu'il n'y en a pas d'être humain parfait de toute façon. Donc la réforme, ce n'est pas d'essayer de comprendre ou de penser qu'on va réformer tout le monde en changeant le dirigeant ou en changeant l'État. Mais c'est en commençant la réforme par soi-même, que chaque individu se réforme lui-même, corrige sa aqida à lui, corrige la aqida de sa femme, corrige la aqida de ses enfants, corrige la aqida de ses oncles, de ses tantes, de ses frères et de ses sœurs, de sa communauté, et de commencer petit à petit, graduellement. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, commence par avertir tes proches. Tu commences par avertir tes proches et après tu vas graduellement comme ça. Et c'est le prophète Rasoul qui a fait ça, c'est sa sunna. Mais de commencer, de penser que tu vas changer le monde d'un seul coup, sans commencer par toi-même, sans commencer par ta maison, ça c'est dans l'égarement total, c'est l'ignorance, c'est l'inconscience. C'est pas de cette manière que les choses se font selon la voie des prophètes. Et donc ça c'est des choses, c'est seulement des exemples et des points que je vous donne aujourd'hui, mais c'est des réflexions que nous devons tous avoir et auxquelles nous devons tous réfléchir. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم